Troisième partie, chapitre 1. Dix ans s'étaient écoulés depuis le mariage de Ghislaine, et ces 10 années avaient passé pour elle comme pour son mari, rapides, légères, embellies de tout ce que la fortune, la considération, l'élévation du rang peuvent donner de joies et de confiance. Elle aimait son mari d'un amour passionné. Le comte idolâtrait sa femme. Et la fierté qu'ils avaient l'un de l'autre les maintenait dans un état d'enthousiasme qui mêlait toujours à leur tendresse une part d'exaltation. Non seulement ils ne connaissaient pas la lassitude du mariage, mais ils ne connaissaient pas le calme. Une séparation de quelques jours, exigée par les nécessités de la politique, les angoissait comme un malheur. Pendant ces séparations, ils s'écrivaient des lettres d'amants toutes pleines d'une tendresse passionnée, et jamais ils ne revenaient d'une absence sans qu'elle courût au-devant de lui et sans que leur premier regard, leur première étreinte, ne leur donnassent un vertige. Mêmes idées, même goût, même esprit, même éducation. Ils n'étaient vraiment qu'un, se comprenant avec le geste le plus fugitif, avec un regard, exprimant bien souvent ensemble la même pensée, en se servant des mêmes mots, l'un pouvant ainsi parler pour l'autre avec la certitude à l'avance d'un accord parfait. Il lui contait tout, la faisait partager ses projets politiques, discutait avec elle, prenait son avis, la consultait pour les grandes comme pour les plus petites choses, et s'il ne pouvait pas toujours se conformer à ce qu'elle lui avait conseillé, ce qui était rare d'ailleurs, il s'en excusait avec des paroles d'amour et de respect. Ce sentiment de respect dominait dans leurs moindres rapports. C'était mieux qu'en égal qu'il la traitait. C'était en supérieur. Elle se montrait en tout d'une intelligence si large, si sûre, si équilibrée, d'une humeur si douce, si juste, si sage. Il avait tant de confiance dans son esprit, tant de foi dans son cœur. Chambray était leur résidence favorite pour plusieurs raisons, dont la principale était qu'ils s'y trouvaient plus étroitement unis, et leur séjour s'y partageait en 2 séries bien distinctes. L'été pour le repos et l'intimité, l'automne et le commencement de l'hiver pour le monde et les grandes réceptions. Mais c'était l'été qu'ils préféraient, et ils passaient alors 2 mois en vrais amoureux, un peu sauvage, que quelques amis de choix venaient seulement troubler de temps en temps, car ces visites étaient limitées par eux, de façon à ce qu'ils pussent revenir, sans avoir été sérieusement distraits, à la solitude qui leur était chère et dont ils tiraient de si profondes jouissances. C'était à cette époque que les grands ombrages du parc s'emplissaient de leurs tendres causeries. La rosée à peine bue par le soleil, alors que le matin avait encore toute sa fraîcheur, Ghislaine, habillée de flanelle blanche, descendait le perron, et s'appuyant au bras de son mari, il partait pour une promenade souvent lointaine. Pendant ses courses, quand Jean Solide était jeune, il regardait comme un plaisir, il parlait beaucoup d'eux, et toujours ses entretiens se terminaient par un hymne de gratitude à la Providence qui leur donnait un tel bonheur. Que deux fois, s'arrêtant tout à coup, le comte avait pris les 2 mains de sa femme et, posant les yeux sur les siens, lui avait doucement murmuré qu'il faisait mieux que l'aimer, qu'il la vénérait, qu'elle était sa joie, tout son bonheur, sa gloire, son orgueil. Alors elle se défendait, un peu serrée au cœur et confuse. « Non, disait-elle, c'est trop. » Mais dans le baiser qu'elle lui donnait, il sentait son émotion et dans le regard dont elle l'enveloppait, combien profondément il était aimé. Souvent, ils ne rentraient que pour le déjeuner, fortifiés tous deux dans leur amour, contents de ce qu'ils s'étaient dit, et ayant toujours fait en eux quelques découvertes qui les flattaient et leur donnaient une nouvelle raison de s'aimer davantage. Quand ils devaient parler à la chambre, ils partaient ensemble pour Paris, et il l'installait lui-même dans une tribune. Puis, quand il avait pris place à son banc, au premier rang de la droite, il tournait les yeux vers elle chaque fois qu'il se disait quelque chose de caractéristique, qu'il savait qu'elle devait contester ou approuver. Elle faisait un signe perceptible pour lui seul, et il comprenait la réponse qu'elle voulait. Enfin, le président prononçait les mots sacramentels. « Monsieur le comte d'Unières a la parole. » Elle sentait son cœur s'arrêter, et une chaleur lui brûlait les paupières. Elle connaissait les points principaux de son discours, mais comment allait-il le prononcer? Ne se laisserait-il pas troubler par les interruptions et le boucan? Car malgré l'estime qui l'entourait, plus d'une fois c'était par un tapage violent qu'on saluait la hardiesse de sa parole. Jusqu'à la mort du roi, il s'était tenu enfermé dans le royalisme le plus orthodoxe. Mais alors, reprenant sa liberté de conscience, il avait incliné vers une sorte de socialisme chrétien qui, dans ses élans populaires, provoquait parfois les applaudissements de l'extrême gauche en même temps qu'il consternait ses amis de la droite. Quel serait l'accueil de ce jour? C'était ce qu'on pouvait se demander chaque fois qu'il prenait la parole. De quel côté viendraient les applaudissements? Duquel les exclamations ou les huées? Cependant, il était à la tribune, les bras croisés, les yeux levés et tournés vers Ghislaine, comme pour lui demander l'inspiration. Peu à peu, le silence s'établissait et il commençait. Quelle émotion pour elle! Quelle angoisse quand ses paroles, se perdant au milieu du tumulte, n'arrivaient pas jusqu'à elle! Mais aussi, quand la chambre entière restait attentive, quelle fierté! Et le soir, en revenant à Chambray dans leur coupé, ils se tassaient l'un contre l'autre. Elle se serrait dans ses bras, mettant toute sa gloire dans cette étreinte. Et alors, s'entraînant, se répondant, ils faisaient une belle politique, celle qu'ambitionnait leur cœur et que le comte mettait en pratique sans autre souci que celui de satisfaire sa conscience. Les Dunières étaient devenues un modèle qu'on citait chez tous dans leur monde. Leur amour, la beauté et la vertu de la femme, la fidélité et le talent du mari forçaient la bienveillance et même l'admiration. Aucun point faible où l'on pût les prendre. Si leur genre de vie, à la campagne comme à Paris, était princier et fastueux, digne de leur fortune et de leur rang, la charité n'y perdait rien. Pas un lendemain de fête qui ne fût le jour des pauvres. Pas une œuvre utile où la comtesse Dunière n'eût sa place. Leur existence, dans les plus petits détails, était l'application même de leurs principes. Ils ne voulaient pas être riches pour eux seuls, et il fallait que ceux qui les entouraient, qui dépendaient d'eux, eussent leur part de cette fortune. C'était loin, très loin, que leur responsabilité s'étendait à cet égard. Que de gens ils avaient soutenus, consolés, relevés. Que de devoirs ils s'étaient imposés quand ils auraient pu si bien passer à côté d'infortunes et de misères qui ne les touchaient pas directement, en détournant la tête et dont ils prenaient la charge par cela seul bien souvent que le hasard les leur avait révélé. On disait d'eux qu'ils avaient les vertus qu'on demande au roi, et le mot n'était que juste. En effet, personne ne poussait aussi loin le souci de sa dignité et de son rang, sans qu'on pût jamais remarquer une préoccupation d'économie ou d'égoïsme, pas plus qu'une négligence d'étiquette. Au milieu d'un ordre admirable, tout était largement mené, et s'il n'était pas à Paris d'équipage aussi parfaitement tenu que les leurs, il n'y avait pas de maison où l'urbanité, la politesse, la simplicité des manières, l'affabilité, fût poussée aussi loin, sans que la correction la plus irréprochable en souffrît en rien. Pour ces raisons et pour leur mérite personnel, leur situation était exceptionnelle, admirée, respectée. On ne touchait pas aux Dunières. C'était un honneur d'être reçu par eux, de les recevoir, de les imiter. Malgré leur jeunesse, ils donnaient le ton. En les suivant, on était sûr de ne jamais faire fausse route. Et lorsque la comtesse Dunière s'était occupée de quelque chose, avait accepté quelqu'un, s'était montrée quelque part, on emboîtait le pas derrière elle sans même songer à se retourner. Quant à juger, à critiquer, c'eût été un crime que personne ne s'était encore aventuré à commettre. Comment la blâmer quand on ne pensait qu'à la copier? Paris a de ses engouements. Il y a des périodes où il est de bon ton d'être grasse, parce qu'une femme très en vue est grasse. D'autres où il est désirable d'être maigre. Ghislaine, mignonne, avait mis la finesse en vogue. Et dans un certain monde, une femme n'était reconnue jolie et élégante que si sa beauté pouvait rappeler un peu celle de la comtesse Dunière. On se coiffait, on s'habillait comme elle. Elle avait même fait adopter l'extrême simplicité de ses toilettes, taillées dans des lainages souples, aux couleurs neutres, dont les façons ne subissaient jamais les exagérations de la mode. Pendant ces 10 années de bonheur, un seul nuage était venu assombrir leur ciel radieux. 8 ans après leur mariage, ils avaient perdu M. de Chambray, mort d'une maladie de cœur. Dans une chasse à cour, le comte avait été renversé par son cheval, tombé avec lui, et blessé à la poitrine d'un coup de pied. Il avait guéri de cette blessure, ou plutôt, il en avait paru guéri, mais une myocardite chronique en était résultée, qui au bout de quelques mois avait amené la mort. M. de Chambray n'avait pas attendu d'être malade pour assurer l'avenir de Claude, comme il l'avait promis à Ghislaine. Et dès le lendemain de l'installation de l'enfant auprès du garde d'Agomère, il avait déposé chez son notaire

et au bas de sa jupe courte traînait un morceau d'étoffe faisant queue. À la main, elle tenait une baguette de coudrier qui était une cravache, et en imitant les mouvements d'une femme sur un cheval qui trotte, elle criait de temps en temps « Hop ! Hop !»« Que fais-tu donc là ?» demanda Ghislaine en entrant. Claude n'était pas timide avec Ghislaine, ayant très bien compris que tout lui était permis. Aussi, après le premier moment de surprise, ne se gêna-t-elle pas pour répondre franchement en souriant. « Ma promenade au bois !» Ghislaine fut stupéfaite, n'ayant pas imaginé que Claude savait ce que c'était que le bois. « Ah, tu vas au bois ?»« Mais oui !»« Souvent ?»« Toutes les fois que j'en ai la liberté. » »« Et quand as-tu cette liberté ?»« Quand je suis toute seule, et je suis toute seule. » »« On te défend donc d'aller au bois ?»« Non, mais les autres se moquent de moi. » Ghislaine pensa que les autres, c'est-à-dire les filles de Dagomer, avaient bien raison, mais elle ne dit rien. « Tu sais ce que c'est que le bois ?»« Bien sûr, c'est une promenade où les gens du monde se rencontrent, où l'on se montre ses toilettes, où se font les grands mariages. » Ghislaine ne put s'empêcher de rire, mais elle interrogeait Claude d'une voix si douce et avec un regard si encourageant que celle-ci ne pouvait pas être intimidée par ce rire. « Et qui t'a parlé du bois ? » demanda-t-elle du même ton affectueux. « C'est Lady Cappadoce. » « À propos de quoi ?»« Quand je ne me tiens pas bien, que je chiffonne ma robe ou casse mon col, elle me dit « Vous ferez vraiment belle figure au bois, si vous vous tenez ainsi. » « Tu voudrais aller au bois ?»« Oh oui, pourquoi faire ?»« Pour me promener donc, pour voir. » »« Tu t'ennuies ici ?»« Je ne resterai pas toujours ici, j'irai au couvent. » »« Les filles qui sont au couvent ne vont pas au bois. » »« Je ne resterai pas toujours au couvent. » »« Certes non, à moins que tu ne le veuilles. » »« Je ne le voudrais pas. » « Je me marierai. »« Ah, tu penses à te marier ?»« Mais oui, quelquefois, et même souvent. Je voudrais avoir un mari pour qu'il m'aime. Vous savez, moi, je n'ai ni père ni mère, et je voudrais être aimée. »« Mais moi, je t'aime. »« Vous êtes la comtesse d'Unières. » Elle dit cela avec un ton d'admiration et de respect, en petite fille habituée à se faire une idée presque surnaturelle, religieuse, de cette comtesse d'Unières si loin d'elle. Ghislaine fut remuée jusque dans les entrailles. C'était donc vrai qu'elle était bien loin de cet enfant, que celle-ci, dans son ignorance, n'admettait même pas que cette distance pût être jamais franchie. Elle jeta un regard autour d'elle. Au dehors, on entendait d'autres bruits que celui de la brise dans le feuillage des grands arbres. Personne dans la maison, Claude l'avait dit. Alors elle eut une faiblesse, elle qui toujours s'était si rigoureusement observée. D'un mouvement passionné, elle attira sa fille sur sa poitrine et longuement elle l'embrassa, murmurant des mots que Claude, surprise, ne comprenait pas. Puis tout à coup, le sentiment de la réalité lui revenant, elle s'arrêta brusquement et sans repousser l'enfant, elle cessa de l'embrasser. « Je t'assure que je t'aime, ma petite Claude, et Dagomer aussi t'aime bien. »« C'est vrai, mais il n'est pas mon père. »« On n'a pas toujours une mère et un père. À ton âge, je n'avais plus les miens. » « Oui, mais vous les aviez connus, tandis que moi... » C'était là un sujet trop douloureux pour que Ghislaine voulût le continuer. Chaque parole de Claude lui était une blessure. « Mais que sens-tu donc ? » demanda-t-elle plutôt pour changer l'entretien que par curiosité réelle. « Quelle étrange odeur !» Claude se troubla. « Ce n'est ni celle d'une fleur, ni celle d'un fruit. Est-ce une pommade ? Est-ce une eau ?» Elle lui flaira les cheveux et le visage. « C'est ta bouche qui exhale cette odeur bizarre ? Tu as mangé des bonbons ? Non. Est-ce que tu ne veux pas me répondre ? Il n'y a pas de mal à manger des bonbons. La preuve, c'est que je t'en donne quelquefois. Tu as des petites taches rouges aux dents. Qu'est-ce que c'est ?» Claude hésita. Enfin, elle se décida. « C'est de la cire. »« Quelle cire ? » ?»« De la cire à cacheter les lettres. »« Tu manges de la cire à cacheter ? Quelle idée ! » !»« C'est très bon. Ça fait une pâte. » Une mauvaise pâte. Et puis c'est amusant, ça colle aux dents. Où as-tu eu de la cire ? J'en ai pris chez Lady Cappadoce. Comment t'es venue cette idée ? Un jour que Lady Cappadoce cachetait une lettre, j'ai mis un morceau de cire dans ma bouche sans penser à rien. Ça m'a paru bon. J'ai continué. J'aime mieux ça que les meilleurs bonbons. Mais tu peux te rendre malade, chère petite. La cire à cacheter n'est pas une chose qui se mange. Veux-tu me promettre de n'en plus manger ? « Oh, tu me feras plaisir. » Claude la regarda un moment profondément dans les yeux. C'est vrai que cela vous ferait plaisir ? Demanda-t-elle. Grand plaisir. Eh bien, je n'en mangerai plus, je vous le promets. Ghislaine, en redescendant au château, se trouva troublée et émue. Il était rare qu'elle eût l'occasion d'être seule avec Claude et pût l'interroger, lire en elle comme elle venait de le faire, sans avoir à craindre de trahir plus de tendresse qu'il ne lui était permis d'en montrer. Que de révélations dans cette entrevue d'une demi-heure ! N'était-ce pas curieux vraiment, ce souci de Claude de se marier pour être aimée ? N'était-ce pas ainsi qu'elle-même rêvait et raisonnait, enfant, quand elle se désolait de sa solitude ? La pauvre petite aussi souffrait de cette solitude, et détournant les yeux d'un présent triste, les fixait sur l'avenir que son imagination lui représentait tout plein de tendresse et de joie du cœur. Elle les avait connus, ses rêveries, ses regards jetés en avant, et par là elle trouvait entre sa fille et elle des points de ressemblance qui la rassuraient. Que de fois, depuis la naissance de Claude, s'était-elle demandé ce qu'elle serait ? Fille de sa mère ? Fille de son père ? Et la question était assez grosse pour s'imposer avec des angoisses. Paroles, gestes, regards, attitudes, goûts, dispositions, idées, humeurs, caractères, nature, tout lui avait été matière à observation. Claude était une vraie brune, avec les cheveux ondulés. Mais cela ne tranchait rien, car si elle-même l'était, lui aussi avait les cheveux noirs frisés. Dans ses traits non plus, il ne se trouvait rien qui pût la faire ranger d'un côté plutôt que de l'autre, car l'expression du visage, généralement mélancolique, ou tout au moins songeuse et recueillie, pouvait aussi bien venir de lui que d'elle. Toute jeune, Claude avait été potelée, mais voilà qu'avec l'âge, elle tournait à la maigreur et à la sécheresse de son père. Ce besoin de tendresse s'affirmant d'une façon si particulière, et ce désir de mariage était quelque chose de caractéristique qui pouvait faire pencher la balance du côté maternel si l'histoire de la cire à cacheter n'était pas venue la relever. Assurément, ce n'était pas un fait insignifiant que cette perversion de goût. Jamais dans son enfance, elle n'avait eu de ces fantaisies, ni de ces bizarreries, tandis que chez lui, elles étaient typiques. Combien en retrouvait-elle maintenant, dont le souvenir précisément lui était resté, parce qu'elle s'était aussi étonnante que cette passion pour la cire à cacheter ? De là son trouble et son émoi. Justement parce que Claude tenait de son père par plus d'un côté, il aurait fallu qu'elle fût surveillée avec une sollicitude de tous les instants et redressée. L'éducation corrigerait la nature. En lui montrant où conduisait le mauvais chemin, en la mettant dans le bon, elle suivrait celui-là. Une mère seule pouvait avoir une main assez ferme en même temps qu'assez douce pour cette tâche, et elle ne pouvait pas se montrer mère pour Claude. De là aussi son inquiétude de conscience en se demandant si jusqu'à ce jour elle avait fait tout ce qu'elle devait. Certes, il était impossible que les conditions d'habitation puissent être meilleures que celles que Claude trouvait dans cette maison de garde, vaste, bien construite, presque monumentale, avec sa façade de pierre et de briques, bien exposée à la lisière du parc et de la plaine, abritée l'hiver, ombragée l'été, entourée de communs qui abritaient deux vaches, des poules, des cochons et d'un grand jardin tout plein de légumes. Et puisque les médecins voulaient qu'elle vécût en paysanne, nulle part elle n'eût été mieux que là. De même, il était impossible qu'elle eût un meilleur père nourricier et une meilleure mère que les Dagomère, qui étaient de braves gens, honnêtes, réguliers dans leurs habitudes, propres, soigneux, qui ne faisaient aucune différence entre elles et leurs vrais enfants. Enfin, l'institutrice qui la faisait travailler était celle-là même qui l'avait élevée, un peu sèche il est vrai, rigide, austère, cependant pleine des plus hautes qualités. Mais était-ce assez ? Quand, dans cet entretien, elle avait dit à Claude qu'on n'a pas toujours un père et une mère, l'enfant lui avait répondu d'un mot qui ravivait tous ses doutes. « Vous avez connu les vôtres. » Qui savait l'influence que le souvenir de ce père et de cette mère aimée et respectée avait eu sur sa destinée ? Tandis que Claude, seul depuis sa naissance, ne subissait que celle de la nature. Chapitre 4. Quand Ghislaine avait été un jour à la maison de Dagomère pour voir Claude, elle se promettait de ne pas y retourner le lendemain.